de Seb et de Taro. Mon vieux, on bat en train en bande, prends le virage en balle, puis grave, jusque des lamelles, fat la calèche, t'approches pas trop près de ma gamelle. Ouais, c'est la banlieue tard Paris, j'fais mon pif dans la jungle comme Dactari. Bon Dieu, pour seule crainte, plaide pour emprunt, des règles pour les enfreintes, tout reste en chien. Ouais, frère, la terre tourne comme les turters, tourne comme les bites que j'torture, c'est tard, j'vais pour que les terre-terre. Eh, à vrai dire que du vrai, du réverterne, un coup de casse et les vertèbres. J'mets du vertèbre dans mes fers, frère, t'altères par ses vénères, terre, mon flow il porte trop d'altères. J'ai la soif de l'or, faut que j'me désaltère. Air dehors, il faut ma part, sinon j'perds le nord. Ah, c'est pas un max dans ta sono. Certifié, bête de seum, bête de tarot. Frère, j'vais pas te cacher que d'habitude j'ai pas d'ancien plat. Prêt à relever tous les défis, j't'abatte sur la prolab extract. Sortez les extincts, les bouteilles et les pochons. Les absences ils prennent du recul, ce soir c'est pas des pochetrons. Payeur à haute dose, j'compte pas rester sop. RDV dans une maison close, y'aura des gars sacro aux hommes. Ambiance de sauvage, tous les gens bien restent à la porte. Pas de sautage pour les ch'tards dans la cave, y'a du stock de corps. Rembattre les bonnes manières, batringue, et si ça dégénère, les femmes couchent leur derrière, on est là pour leur faire la misère. Délire et hardcore, celui qui gère bon savate. Pas besoin de garde du corps, vigile ou de batteur en cravate. Nous on s'en bat les reins, on a vécu de galère, rien nous demande pas de parler bien ou tu vas finir dans le parisien. Soirée peu fréquentable, y'a de la tille sur les tables. On est les dingues pas sortables, les pucelles deviennent ingérables. J'suis pas un plouc, arrache-toi. Chante pas la couque, aracha. Moi j'suis un loup, j'tire mon cou et j'natchave. C'est aussi simple que dire bonjour. Tu t'es fait belle coquine lassée sur ton boule qu'on zoom. Dis-le moi si ça te déplaît. Arrête de faire ta mijaurée, s'il te plaît. J'te manque pas de respect. Tu fais exprès, j'ai cramé ton vice. Je sais bien où tu veux en venir, mais oublie, c'est pas méthodique. C'est bon, on les connaît, les filles comme toi qui trompent leur mec en douce et ont des airs de psychopathe. Tu trompes ton gars avec le premier venu, ben tu seras bien près. Mais puis en attendant que je m'occupe de ton cas. Et puis merde, je m'en tape. T'as deux ans d'âge mental et ta tasse comme toi, ça court les rues. Je préfère les filles sérieuses qui se respectent, pas celles qui se laissent faire et qui se comportent comme des chiennes.